Toyota. Papa, quand est-ce qu'on arrive ? Bah, papa doit d'abord recharger sa voiture. Papa, quand est-ce qu'on repart ? Dans 30 minutes. C'est long d'attendre de repartir. Je sais. L'hybride Toyota, préférez l'électrique sans aucune limite. Toyota s'engage et renforce sa prime à l'hybride Toyota jusqu'à 5000 euros. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière non cumulable et sous conditions de reprise. 5000 euros pour la commande d'un Toyota CHR hybride 9 jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Autres modèles et détails sur toyota.fr. Père et mère sont des gens bien curieux. Même lorsque leurs rejetons sont les pires des poisons imaginables, ils persistent à les trouver merveilleux. Certains parents vont plus loin. L'adoration les aveugle à tel point qu'ils arrivent à se persuader du génie de leur progéniture. Mais après tout, quel mal à cela ? Ainsi va le monde. C'est seulement quand les parents commencent à nous vanter les mérites de leurs odieux moutards que nous nous mettons à crier « Oh non, assez, vite, de l'air, vous allez nous rendre malades !» It's a funny thing about mother and father. Even our child is the most that children are something totally different than adults. I think they're nicer than adults. They laugh more at funny jokes and they're not so serious. Ils trouvent que les enfants sont plus drôles et qu'ils rigolent aux histoires drôles et qu'ils sont un peu plus marrants, quoi. Maintenant, dans ses livres, s'il a écrit les aventures, si lui, il en a fait comme ça quand il était petit. I think I didn't have adventures quite like that, no. Nearly all the adventures in my books for children have been made up now. Non, c'était vraiment de l'invention. C'était pas du tout comme ça quand il était petit. They're too fantastic to have, you know, you can't really have adventures like that. Oui, ils sont trop fantastiques pour être vrais, alors on ne peut pas vraiment se réaliser. Il y a un grand plaisir à aller, to come to France, tell me that, oui. D'être venu en France et parler avec vous, et vous me pardonnez pour mon mauvais français. Mais vous êtes tout pardonné, cher Waldal. Bonjour Florence Casuli. Bonjour. Et merci. Bonjour Pénélope Bagieux. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. Je suis ravie de vous recevoir ce matin pour parler de Roald Dahl, dont vous venez d'entendre la voix en français. C'était en 1979. Pénélope Bagieux, vous êtes autrice et dessinatrice et vous avez publié une adaptation de Sacrée Sorcière de Roald Dahl en bande dessinée. C'était cette année. Et vous avez également illustré des ouvrages de la Comtesse de Ségur. Oui. Les Malheurs de Sophie, c'est les vrai. Petites filles modèles. On en parlait lundi prochain. On verra s'il y a des liens. Je crois qu'il y en a. Florence Casuli, quant à vous, vous êtes chercheuse en littérature de jeunesse, spécialiste de Roald Dahl, enseignante aux universités d'Angers et de Lausanne, et vous êtes en train de rédiger une thèse sur Roald Dahl qui porte sur l'intertextualité, la métatextualité et l'iconotextualité chez Roald Dahl. C'est beaucoup ça. De textes, en fait. C'est beaucoup de textes et d'images. L'iconotextualité, c'est en rapport avec la dynamique texte-image, donc je suis contente d'être invitée avec Pénélope. Eh ben, encore une fois, je suis ravie de vous avoir toutes les deux. Commentons ce que vient de dire Roald Dahl et puis l'ouverture de Mathilda que j'ai lue. Tout laisse croire qu'au fond, ce que souhaite Roald Dahl, c'est de creuser le fossé entre les parents d'un côté et les enfants de l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez, Florence Casuli ? Alors, je vais un petit peu nuancer le propos de Dahl, parce que bon, c'est un homme paradoxal, il était plein d'ambiguïté. Et d'ailleurs, le brouillon de Mathilda ne commençait pas du tout avec une petite fille bien sous tous les rapports. Elle était born wicked, ça veut dire qu'elle était née mauvaise. Et c'est à cause de ses éditeurs qu'il a dû changer le texte. Mais à la base, Mathilda était une mauvaise petite fille qui s'amusait à faire des bêtises tout le temps pour embêter ses parents. Et les parents étaient gentils. Alors que là, c'est l'inverse. Mais c'est grâce à l'éditeur de Roald Dahl que le texte est devenu ce qu'il est. Et à la fin, en plus, Mathilda meurt dans l'histoire. Dans le brouillon original, elle meurt parce qu'elle a ses pouvoirs de télékinésie, la fatigue énormément. Et elle l'utilise à la fin pour aider Mademoiselle Candy à gagner des courses hippiques, parce que elle a plus de sous, donc elle demande à Mathilda, j'ai besoin de ton aide, il faut que tu m'aides à gagner des courses, utilise ton pouvoir, et Mathilda, en utilisant son pouvoir, va mourir à la fin de l'histoire. Mais ça, c'est vraiment le brouillon à la base. Et du coup, Roald Dahl a dû tout changer, parce qu'on lui a dit, tu vas encore te faire taper dessus, faut que tu changes ton texte, etc. Et du coup, c'est là qu'il s'est dit, je vais faire une petite fille, je vais inverser les rôles, en fait. Ouais. Mais à la base, c'était vraiment, le brouillon n'était pas du tout comme le texte. Alors ça, on reviendra sur la dimension cruelle, voire sadique des écrits de Roald Dahl, mais sur ce fossé entre parents et enfants, Pénélope Bagieux, vous le sentez, vous Entre adultes et enfants, plus qu'entre parents et enfants. C'est que j'ai l'impression que dans à peu près toutes les histoires, en tout cas pour un public enfant de Roald Dahl auquel je peux penser, on a toujours des adultes qui sont épouvantables, qui sont capables des pires horreurs envers les enfants, sauf un ou une. Il y en a toujours un pour rattraper le dans le tas. Mademoiselle Candy chez Mathilda. C'est d'ailleurs toujours des adultes qui ont gardé leur côté enfantin, qui sont toujours vus sous une meilleure lumière que les personnages. Mademoiselle Le Gourdin, par exemple, qui traite Mathilda et ses camarades de façon ignoble. Mais ouais, c'est toujours un adulte avec ce côté enfantin qui est toujours favorisé par rapport aux autres. Mais oui, il y a toujours un clivage quand même adulte-enfant. Est-ce que vous pensez qu'il y a un parti pris chez Roald Dahl qui est qu'il ne faut pas cacher la vérité aux enfants ? Ah bah, je pense que non seulement c'est le parti pris, mais c'est quand même le gros enjeu quand on est enfant dans les livres de Roald Dahl. Ce sont les seuls livres où ça se passe comme ça, donc où les enfants peuvent potentiellement mourir, où les adultes sont horribles, où tout peut arriver. Donc dès la page 12, on se dit « Ah d'accord, c'est ce genre de livre, ok. » Et moi, je n'ai pas souvenir d'avoir lu ça ailleurs à cet âge-là, et je trouvais ça me donnait des frissons de responsabilité. C'est que je me disais, on ne me prend pas pour une débile, on me parle de la vraie vie. Dans la vraie vie, les enfants peuvent mourir, et je trouvais ça hyper excitant au contraire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être pas ailleurs, mais qui pourtant, il y a aussi un présupposé, c'est-à-dire que l'enfant lui-même va prendre du plaisir à regarder la vie telle qu'elle est, peut-être qu'on essaye de la cacher. Au fond, c'est ça l'enjeu, c'est que la littérature de Roald Dahl, ses écrits nous mettent face au réel, alors que bien souvent, peut-être les parents ou les adultes vont essayer de le cacher, on peut le dire comme ça. C'est ça, en plus Roald Dahl est arrivé dans les années 60, et c'était le second âge d'or de la littérature de jeunesse, donc on peut citer des auteurs comme Maurice Sendak, avec Max et les Maximonstres par exemple, qui est arrivé et qui s'est dit « faut qu'on arrête de prendre les enfants pour des débiles, on va leur montrer ce que c'est la vraie vie ». Et du coup, ils font partie de cet âge d'or de la littérature de jeunesse, on dit qu'il y en a trois. Alors dites-nous, Alors le premier, c'est avec Lewis Carroll, la littérature un peu de l'imaginaire. Ensuite, ça s'arrête à la Première Guerre mondiale, et le deuxième âge d'or, c'est les années 60 jusque dans les années 80, donc avec tout ce qui est... on va confronter les enfants aux dures réalités de la vie. Et c'est aussi à ce moment-là que les contes de fées reviennent beaucoup. Il y a beaucoup de féministes, par exemple, qui vont reprendre des contes de fées, beaucoup d'auteurs pour la jeunesse, ce que Roald Dahl a fait aussi dans Un conte peut en cacher un autre. Il a réécrit des contes. Et le troisième âge d'or, on est en plein dedans. C'est en ce moment avec des auteurs pour la jeunesse comme... il y en a beaucoup des Britanniques avec Anthony Brown ou des choses comme ça. Et Roald Dahl faisait partie du second âge d'or et il s'est dit faut qu'on arrête de prendre les enfants pour des débiles. Et au-delà de ça, moi, ce que j'aimais bien aussi, c'est que j'ai l'impression que ça pouvait tourner mal pour les enfants dans les histoires, mais traditionnellement, typiquement dans les contes, ça tournait mal pour les enfants, pour leur servir de leçon, parce qu'ils avaient désobéi. C'est que, si tu vas dans le bois, alors qu'on t'a dit que... Et j'aimais bien l'idée que chez Roald Dahl, c'était en désobéissant qu'on s'en sortait, en fait. C'est que le message était, il y a des consignes, mais vraiment prends des libertés par rapport aux règles, sinon tu vas pas t'en sortir. Et j'aimais bien, c'est-à-dire que ça avait pas de vocation morale. Oui, c'est d'un côté, il y a un appel presque à la transgression, mais de l'autre, il y a aussi quand même chez Roald Dahl presque une philosophie le fait d'accepter son propre sort, au fond, que les choses sont telles qu'elles sont et qu'on ne peut pas vraiment tout changer à ce qui nous a été donné. On va le voir dans un instant. Encore un mot sur, vous avez parlé de littérature jeunesse. Ça a un sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Roald Dahl ne s'adresse qu'aux enfants? Penelope Bagieu, quand vous proposez une adaptation de Sacrée Sorcière, vous adressez aux enfants? C'est un petit peu différent parce que, en bande dessinée, à partir du moment où c'est un art populaire. Dans l'imaginaire collectif, ça s'adresse aux enfants, de toute façon, par défaut. Donc, c'est assez difficile d'écrire pour les enfants parce que, à mon sens, c'est la façon la plus complexe de monter une bande dessinée parce qu'il faut à la fois que les dessins soient parfaits, parce que c'est un public très difficile, et il faut trouver le ton juste qui est vraiment très difficile à trouver. Donc, j'imagine que qui peut le plus peut le moins, et qu'à partir du moment où on a réussi à toucher des enfants avec un livre, c'est que ça va être du tout cuit pour les adultes. C'est qu'on a réussi un livre tellement parfait que de toute façon, les adultes vont le lire et que ça va pas tomber des mains à quelqu'un qui a plus de 10 ans. Oui, donc littérature jeunesse, ça veut pas dire que pour les enfants, ça veut dire aussi pour les enfants, ce qui est plus difficile encore, oui. Vous êtes d'accord, Florence? Oui, totalement. Cette définition? La littérature de jeunesse, on la définit souvent comme un genre à double audience, c'est-à-dire, il y a la voix narrative qui est destinée aux enfants, mais il y a toujours derrière l'adulte, surtout chez Roald Dahl, son but à Roald Dahl, c'était de faire lire les enfants, mais avec les parents. Donc, il voulait toujours que ces textes soient très, oraux. Il voulait vraiment qu'on retrouve une qualité narrative orale, comme dans les contes, en fait, parce qu'il découle de cette tradition, carrément. Et du coup, il voulait que les parents lisent, et il y a toujours des messages un peu cachés derrière. Qui s'adressent aux parents. Exactement. On le sent surtout avec tout ce qui est ton un peu satirique, dans Charlie la chocolaterie, avec Mike TV, quand il fait une satire de la société de consommation avec la télévision. Mathilda, pareil, les parents qui sont un peu complètement à la ramasse et qui passent leur journée à regarder la télé, etc. Donc il y a toujours, effectivement, une double audience avec les parents derrière qui doivent lire aux enfants et qui vont comprendre le message. Faut-il tout dire aux enfants ? Lire Roald Dahl peut-il être dangereux pour vos enfants ? La réponse de Bruno Bettelheim. La mode veut que l'on cache à l'enfant que tout ce qui va mal dans la vie vient de notre propre nature. Le penchant qu'ont tous les humains à agir agressivement, asocialement, égoïstement, par colère ou par angoisse. Nous désirons que nos enfants croient que l'homme est foncièrement bon. Mais les enfants savent qu'ils ne sont pas toujours bons. Et souvent, même s'ils le sont, ils n'ont pas tellement envie de l'être. Cela contredit ce que leur racontent leurs parents. Et l'enfant apparaît comme un monstre à ses propres yeux. La culture dominante, en ce qui concerne particulièrement les enfants, veut faire comme si le côté sombre de l'homme n'existait pas. La psychanalyse elle-même est censée avoir pour but de rendre la vie facile, ce qui n'était pas du tout dans les intentions de son fondateur. Elle a été créée pour rendre l'homme capable d'accepter la nature problématique de la vie, sans se laisser abattre par elle et sans recourir à des faux fuyants. Tel est exactement le message que les contes de fées, de mille manières différentes, délivrent à l'enfant. Que la lutte contre les graves difficultés de la vie est inévitable et fait partie intrinsèque de l'existence humaine. Mais que si, au lieu de se dérober, on affronte fermement les épreuves inattendues et souvent injustes, on vient à bout de tous les obstacles et on finit par remporter la victoire. Quand le petit chaperon rouge arriva essoufflé, Mère Grand, elle regarda et trouva Mère Grand quelque peu changé. Que tu as de grandes oreilles, Mère Grand. Oh, c'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Rolfi se dressa devant elle en souriant. Il pensait, je vais manger cet enfant. Oh, Mère Grand, quel magnifique manteau de fourrure tu as, doux comme de la soie. Oh, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu devais dire comme tu as de grandes dents, Mère Grand. Enfin, peu importe la réplique, tu feras un repas très gastronomique. La petite fille sourit en un battement de paupières. Elle sortit le revolver. C'est à la tête qu'elle visa le loup. Et bang, bang, bang. Elle l'étendit mort d'un coup. Oui. Condoléances. Et oui, la réécriture de Petit Chaperon Rouge par Roald Dahl dans un conte peut en cacher un autre. Alors finalement, c'est dans cette réécriture-là qu'il montre que ceux qui étaient les victimes des contes deviennent eux-mêmes, peut-être pas les bourreaux, mais ceux qui vont tuer le grand méchant loup, par exemple. Sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, on parle de Roald Dahl ce matin dans cette série d'émissions autour des enfants, de la littérature pour les enfants. Alors on peut reprocher beaucoup de choses à Roald Dahl, on peut lui reprocher sa violence, sa cruauté, son sadisme, aussi son sexisme, son racisme, son antisémitisme, on y viendra un peu plus tard. Ce que dit Bettelheim dans le texte qu'on a entendu, un extrait de la psychanalyse des contes de fées, c'est qu'au fond, cette violence-là, c'est celle qu'on trouve dans ce qu'on appelle des contes de fées, qu'elle est constitutive d'une certaine littérature et que surtout, c'est ça qui va éduquer l'enfant à travers ses lectures. Jusqu'où cette position est-elle tenable, Florence Cazuli ? Du coup, Bettelheim, il reste quand même très controversé. Son œuvre reste quand même très controversée, surtout avec des... Vous parlez de Bettelheim ou de Roald Dahl ? Oui, de Bettelheim. Ouais. Toujours actuellement par des autres chercheurs, comme Jacques Zipes, qui est un chercheur éminent en conte de fées. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit. Et Roald Dahl, c'est ce qu'il fait. Il va retrouver un peu cet aspect gore qu'on avait dans les contes de fées, qui ont été, au fil des ans, édulcorés et qui ont été réécrits pour les enfants. Mais à la base, les contes ne s'adressent pas aux enfants. Ça s'adresse plutôt aux jeunes filles de la cour. Donc, par exemple, quand Perrault reprend ses contes, il reprend les contes pour éduquer les jeunes filles de la cour. Et Le Petit Chaperon Rouge est un exemple qui dit la morale, c'est ne vous approchez pas des jeunes garçons, le loup étant le jeune garçon. Mm-hmm. Faites attention à vous, etc. Et Roald Dahl a compris cette violence inhérente aux contes et va la réutiliser. Et il revient aux sources cruelles des contes, et un conte peut en cacher un autre, c'est exactement basé sur ça, et lui renverse la morale traditionnelle que Walt Disney surtout a réussi à donner au conte. Bon, après il était ami avec Walt Disney quand même, ils se sont rencontrés pour les Gremlins, ils ont voulu faire le film ensemble, mais Roald Dahl il prend une position complètement contraire à ce que Walt Disney faisait quand il adaptait ses contes avec le beau prince qui vient sauver la princesse. Roald Dahl, c'est complètement le carnavalesque qui rentre en place et qui va renverser toutes les hiérarchies possibles où effectivement les proies deviennent prédateurs et inversement. Donc oui, moi je suis plutôt d'accord avec Bettelheim. Sur les vertus de la cruauté dans les livres pour enfants, quelle est votre position, Pénélope Bagieux? Peut-être ça a une force de contraste qui donne plus d'importance à la bienveillance. Par exemple, pour le coup, Sacrée Sorcière, je l'ai vraiment beaucoup lu. Mmh. L'impression qui s'en dégage pour moi, quand j'étais enfant, évidemment, c'était la peur. Mais c'était aussi un vrai sentiment très rassurant et très réconfortant. Parce que, du coup, en contraste, les personnages bienveillants de Roald Dahl sont extrêmement bienveillants et doux. Et on dégage une impression de force et d'invulnérabilité. Moi, je me souviens que la grand-mère, par exemple, de Sacrée Sorcière, qui a beau être un personnage qui, de l'extérieur, peut être perçu comme assez vulnérable, c'est une vieille dame, mais j'avais l'impression qu'elle était invincible, parce qu'en face, il y avait tellement de méchanceté, elle paraissait tellement être un îlot de gentillesse dans un monde cruel. Alors racontez-nous l'histoire de Sacrée Sorcière, en quelques mots. C'est un petit garçon et sa grand-mère, un petit garçon orphelin qui vit avec sa grand-mère, et qui se retrouve dans un monde où les sorcières peuvent être n'importe où et prennent l'apparence de femmes ordinaires, donc potentiellement peuvent être à tous les coins de rue, peuvent être sa maîtresse à l'école, peuvent être la marchande de journaux. Sa grand-mère le protège de ça, elle le met en garde parce qu'elle-même est une experte des sorcières. Sauf que, pas de bol, ils se retrouvent tous les deux en plein milieu du congrès annuel des sorcières dans un hôtel infesté de sorcières. Et sa grand-mère a quelque chose d'extrêmement rassurant tout le temps. Elle a l'air de tout savoir et on a cette impression, comme le héros, que tant qu'elle est là, il ne peut rien arriver de grave. Et du coup, ça fait un rempart qui, moi, me suffisait totalement quand j'avais 8 ans. C'est que je me disais, oui, le monde est horrible, mais heureusement, il reste toujours, de temps en temps, une grand-mère, une maîtresse, comme dans Mathilda. Et elle avait l'air, du coup, incroyablement gentille, par contraste. Parce que Sacrée Sorcière, le roman et la bande dessinée que vous en avez tiré, Pénélope Bagieux, est un roman, un texte extrêmement sombre. C'est même glauque. Enfin, c'est pas que c'est cruel, c'est que c'est terrifiant en fait. Ça nous met face, même nous adultes. Là, je parle en mon nom. Ça m'a mis face à une partie de la réalité que je ne voulais pas voir. La possibilité que les femmes que je croise dans la rue pouvaient être des sorcières, qu'elles me transformaient en souris. Oui. Oui, dit comme ça, c'est vrai. Ben oui. Oui. Et alors, je sais pas. Et c'est la question aussi que je vous pose. C'est comment est-ce qu'il arrive à rendre ça aussi palpable et aussi présent et aussi presque réaliste? Alors, bien sûr qu'il y a rien de moins réaliste que cette possibilité-là. Et pourtant, la manière qu'il a de le raconter et la manière que vous avez eu de le dessiner, de le raconter dans votre bande dessinée, a quelque chose de glaçant pour le lecteur. Oui, après, il fait bien la distinction. Le fait qu'il explique comment les distinguer des vraies femmes et comment voir tout de suite en faisant une créature magique, de toute façon, on sort du spectre de la réalité et fait que ça m'aurait fait bien plus peur, enfant, de me dire que chez certaines femmes, il existait une part de noirceur qui faisait que tout en étant des femmes normales, elles pouvaient avoir cette envie de tuer les enfants à tour de bras. Ah oui, là, vous dites, au moins, c'est clair, il y a les sorcières d'un côté, les non-sorcières de l'autre. C'est quand même assez rassurant, le fait surtout qu'elles aient des détails tellement grotesques qui les différencient des femmes, le fait qu'elles aient pas de doigts de pied, la salive bleue. Des griffes à la place des mains. Bon. Voilà, oui, mais c'est intéressant de voir comment le Roald Dahl s'y prend littérairement parlant pour produire cet effet-là. Hier, on parlait du petit Nicolas. Et le grand Nicolas Tellop, qui était mon invité, disait, le secret du petit Nicolas, c'est qu'au fond, Goscinny s'est mis dans la peau du petit Nicolas. Il parle à sa place et c'est ce qui fait qu'on est embarqué directement. Quel est le style ou la technique d'écriture de Roald Dahl qui fait que ça marche aussi bien, Florence Cazuli? Du coup, Roald Dahl fait pareil que Goscinny. Il va se mettre dans la peau d'un enfant. Il a toujours dit que les enfants étaient des créatures semi-civilisées. Et que intérieurement, leur pire ennemi, c'était les adultes. Même si c'était dur des fois d'admettre que papa et maman, ils sont méchants, mais intérieurement, inconsciemment, c'est toujours l'adulte l'ennemi. Et Roald Dahl avait compris ça et il a toujours dit si on veut se rappeler de ce que c'est d'être un enfant, il faut se mettre à quatre pattes et se mettre à la même hauteur qu'eux pour voir le monde de la même façon qu'eux. Et littérairement parlant, il conçoit pas un livre pour enfants sans humour. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tourner le macabre vers la voie du carnavalesque, encore une fois. Donc le carnavalesque dans la veine de Rabelais, avec des renversements. Il conçoit pas des livres sans humour. Il a dit, son livre préféré, c'était le Jardin secret de Burnett. Et il dit, Je ne comprends pas comment il a fait pour me toucher ce livre, parce qu'il n'y a aucune touche d'humour, et je ne conçois pas un livre pour enfants sans humour, et c'est ce qui fait dans Sacrée Sorcière que je trouve que Pénélope a très bien rendu, c'est ce mix entre humour et cruauté. Mmh. Il y a toujours une ligne qui franchit, mais qui est toujours là entre l'humour, d'un côté avec effectivement tous les détails grotesques, quand les sorcières disent que les enfants puent le caca de chien, bon, ça, c'est sûr que ça va faire rire les enfants. Parce que les enfants, il a toujours dit aussi que tout ce qui était fonction corporelle, ça faisait rire les enfants, il en était conscient. Et du coup, il joue beaucoup là-dessus, sur tout ce qui est grotesque, etc. Il va accentuer beaucoup ce côté humoristique, grotesque, pour atténuer cette violence. Et du coup, ça va passer. Ça va être cruel, on le ressent, mais il y a quand même cet humour derrière qui vient atténuer et qui nous fait prendre du plaisir aussi à lire les textes. Humour, mais on lui a beaucoup reproché à Roald Dahl d'avoir un grand problème avec le corps, justement, avec la propreté. On l'a accusé de grossophobie, on l'a accusé de je sais pas, apparemment, il aime pas les barbes. Oui, barbophobie, ouais, mais comment on peut dire ça. Mais dans les deux gredins, justement, la description des barbes est géniale, parce qu'on voit toute la nourriture, tous les repas précédents qui y restent. Moi, j'y voyais plutôt de l'humour, mais est-ce que ce problème-là, je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, littérairement, ça peut renvoyer à une expérience que les enfants font à cet âge-là. Ah oui, carrément. Bah le grotesque, c'est vraiment basé sur tout ce qui est fonction corporelle. C'est le bas qui prend le dessus sur le haut. Donc c'est le bon gros géant, quand il rencontre la reine, il va pas s'interdire de péter devant elle. Hein. Il n'utilise pas le mot péter, justement, mais c'est ça qui fait rire aussi. Mais Roald Dahl se gêne pas. Et oui, effectivement, on dit qu'il a un humour de salle de bain. Je sais pas comment on peut dire ça. Mais c'est en français, c'est le grotesque. C'est vraiment c'est le bas, c'est tout ce qui est cavité. Corporel qui prend le dessus et ça fait rire les enfants, il le sait, donc il en joue. Et ça, j'imagine, pour votre travail en tant que dessinatrice, Pénélope Bagieu, ça a été quelque chose d'important, le travail sur le corps. Ah oui, et puis le travail sur l'humour, c'est vrai que c'est tellement facilité, c'est-à-dire quand on se demande, est-ce que j'en fais pas un peu trop, est-ce que c'est pas trop triste, trop dur, trop... Et on se rappelle que dans deux pages, la grandissime sorcière va dire que les enfants puent le caca de chien, et que du coup ça va tout remettre à plat, et je trouve que... Et c'est notamment une des choses que j'aimais en tant que lectrice de Roald Dahl quand j'étais plus petite et que j'ai essayé de retrouver pour le réécrire, c'est que ces sorcières, elles sont par exemple terrifiantes, leur projet est quand même assez sombre, vu qu'elles veulent exterminer tous les enfants de la planète, mais elles sont grotesques, elles se prennent un peu les pieds dans le tapis, elles disent des gros mots, elles sont mal coordonnées, elles sont un peu ridicules. Et à partir du moment où on commence à rire d'elles, la peur est complètement apprivoisée. Et j'aimais bien cette idée que même la pire méchante du monde, en fait, soit un peu ridicule, bafouille, qu'elle soit entourée d'incompétentes. Et du coup, j'ai vraiment forcé le trait sur le caractère grotesque des sorcières aussi. Parce que de la même manière que, à partir du moment où on désacralise quelque chose de terrifiant, je sais rien, on voit une forme qui fait peur dans sa chambre, c'est un monstre. Ah ben non, on allume la lumière, en fait, c'est un pull sur une chaise. Bon. Et j'aimais bien l'idée que ces sorcières, bon, ça reste quand même des créatures un peu idiotes, quoi. Et que du coup, c'est pas si grave, en fait. Mmh. Et l'humour de Roald Dahl est tellement présent. Dès qu'il fait parler les sorcières, la grandissime dans le livre, dans le roman d'origine, a même une façon de parler, elle a un accent qui est rendu à l'écrit, qui la rend ridicule de toute façon. Ridicule et terrifiante, ce qui est quand même un vrai défi. C'est guttural en plus, la lettre, c'est le R. Le R, oui. Tu beaucoup le R. Donc il y a cette idée derrière d'animosité quand même qui est là. Mais, et du coup, c'est une question que je voulais vous poser. Parce que j'ai pas vu ce rendement-là dans le. De l'accent. Ouais, c'est un. Et non, je voulais pas. Moi, je me suis dit que j'avais envie. Alors, après, c'est les choses sur lesquelles on peut jouer dans la bande dessinée, c'est que sa façon de parler, elle a sa propre écriture réellement, visuellement. Mmh. C'est-à-dire, elle a sa typo, pour parler techniquement. Et puis, j'ai fait jouer la forme du texte en fonction de ce qu'elle disait, pour que quand elle crie sur les sorcières, le texte agisse un peu comme des flèches, que. On peut se permettre d'autres choses à partir du moment où le texte est écrit à la main. Mais non, j'ai pas gardé son accent et ça a été sujet de beaucoup de discussions avec les Dahl qui étaient très perturbés par le fait que j'ai enlevé l'accent de la grande. Parce que vous étiez en discussion avec les ayants droit des œuvres de Roald Dahl. Pour tout ce que je voulais changer pour en faire un peu mon histoire. Parce que vous avez changé des choses, donc il y a un personnage masculin qui est devenu une fille, dans le texte notamment. Pour plein de raisons. J'avais un problème avec ce personnage d'origine que je trouvais pas très utile. Et en fait, c'était pas que je voulais changer des choses à tout prix, c'est que je voulais raconter à ma façon une histoire que je connais par cœur. Donc, évidemment, avec ma voix, et donc plein de choses vont être différentes. Donc, ça a été sujet à des échanges, mais globalement, tout ce que je voulais faire, j'ai pu le faire. Donc, ils étaient fermés à rien. Peut-on jamais trop en faire en littérature, et surtout quand on s'adresse aux enfants? La réponse de Roald Dahl, c'est non. It is no good having people who are ordinary, because They're not going to interest your readers at all. Quand vous écrivez un livre, il ne faut pas des personnages ordinaires, parce qu'ils n'intéresseront pas les lecteurs. Tous les écrivains du monde inventent des personnages qui ont quelque chose de particulier. Et c'est encore plus vrai dans un livre pour enfants. Je pense que la seule façon de rendre mes personnages vraiment intéressants pour les enfants est d'exagérer toutes leurs qualités et tous leurs défauts. Par exemple, si une personne est odieuse ou cruelle, il faut qu'elle soit franchement odieuse, très cruelle. Si les personnages sont vilains, il faut qu'il soit très vilain. À mon avis, c'est ce qui est amusant et c'est ce qui frappe les lecteurs. Person is nasty or bad or cruel, you make them very nasty, very bad, very cruel. If they're ugly, you make them extremely ugly. That, I think, is fun and makes an impact. A note about witches. They're real. Witches aren't really women at all. They're demons in human shape. In every big city, in every small town, they live amongst us. And here's the most important thing. Witches hate children. Dans les contes de fées, les sorcières portent toujours de ridicules chapeaux et des manteaux noirs et vole à califourchon sur des balais. Mais ce livre n'est pas un conte de fées. Nous allons parler de vraies sorcières qui vivent encore de nos jours. Ouvrez grand vos oreilles et n'oubliez jamais ce qui va suivre. C'est d'une importance capitale. Voici ce que vous devez savoir sur les vraies sorcières. Les vraies sorcières s'habillent normalement et ressemblent à la plupart des femmes. Elles vivent dans des maisons qui n'ont rien d'extraordinaire et elles exercent des métiers tout à fait courants. Voilà pourquoi elles sont si difficiles à repérer. Une vraie sorcière déteste les enfants d'une haine cuisante, brûlante, bouillonnante, qu'il est impossible d'imaginer. Elle passe son temps à comploter contre les enfants qui se trouvent sur son chemin. Elle les fait disparaître un par un en jubilant. Elle ne pense qu'à ça, du matin jusqu'au soir. Qu'elle soit caissière dans un supermarché, secrétaire dans un bureau ou conductrice d'autobus. Maintenant, vous savez que votre voisine de palier peut être une sorcière, ou bien la dame aux yeux brillants, assise en face de vous dans le bus ce matin, ou même cette femme au sourire éblouissant qui vous a offert un bonbon au retour de l'école. Ou encore, et ceci va vous faire sursauter, votre charmante institutrice qui vous lit ce passage en ce moment même. Regardez-la, attentivement. Elle sourit, sûrement, comme si c'était absurde. Mais ne vous laissez pas embobiner. Elle est très habile. Je ne suis pas, bien sûr, mais pas du tout, en train d'affirmer que votre maîtresse est une sorcière. Tout ce que je dis, c'est qu'elle peut en être une. Incroyable, mais pas impossible. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Faut-il se méfier des adultes? C'est la question que pose Roald Dahl dans ce livre, hein, Sacrée sorcière, des adultes et les adultes femmes. Alors on peut y venir justement, Pénélope Bagieux, puisque sa définition des sorcières, vous le disiez, ce qu'elle a de rassurant, c'est qu'il existe des vraies sorcières pour Roald Dahl. Le livre est écrit en 1983. Depuis, beaucoup d'années se sont écoulées et des livres ont été écrits, notamment le terme de sorcière est devenu une sorte de prisme de lecture pour parler de la femme. Aujourd'hui, je pense au livre de Mona Chollet notamment, qui montre que la puissance invaincue des femmes aurait quelque chose de la sorcellerie en chacune d'entre nous. Comment est-ce que vous avez essayé d'adapter ce qu'est une vraie sorcière pour Roald Dahl à l'imaginaire véhiculé par le mot de sorcière aujourd'hui en 2020? Pour moi, ça peut totalement cohabiter. C'est-à-dire que la créature dont parle Roald Dahl, et il le précise déjà dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est qu'il fait la distinction entre les femmes et ces créatures qui, pour duper les enfants, prennent l'apparence d'une femme, parce que quoi de plus rassurant qu'une femme? Et donc c'est réellement une créature. Il dit par exemple c'est comme ça, parce que le petit garçon demande pourquoi elles prennent l'apparence d'une femme, et sa grand-mère lui répond c'est comme ça, les loups-garous et les vampires prennent l'apparence d'un homme et les sorcières prennent l'apparence d'une femme. Une sorcière, c'est toujours une femme, dit-il. C'est ça. Ce qu'on lui a reproché en disant, mais alors quoi, alors c'est sexiste et tout, alors que la suite de la phrase dit, non, justement, je veux pas dire du mal des femmes, la plupart sont adorables, mais le fait est que les sorcières sont toujours des femmes et jamais des hommes, il n'y a pas de sorciers, il y a des vampires ou des loups-garous qui, eux, sont toujours des hommes. C'est ça. Et du coup, c'était, je pense qu'il fait, alors il le fait de manière plus fine, que de dire textuellement, même si toutes les sorcières ont l'apparence d'une femme, ça ne veut pas dire que potentiellement toutes les femmes sont des sorcières. Mais c'est sûr qu'il y a un Roland qui est un peu vieilli dans le fait de faire, de créer la suspicion autour de potentiellement n'importe quelle femme. Donc moi, j'ai été assez vigilante à bien clarifier les choses dans mon livre. Et effectivement, l'image qu'on renvoie maintenant de la sorcière, ce terme de sorcière du conte de la méchante femme qui déteste les enfants au point de vouloir les tuer, ce qui est quand même l'interdit suprême. Bon, ça renvoie aux femmes qui ne veulent pas d'enfants. Il y a une vraie misogynie autour du terme de sorcière dans ce cadre-là. Et c'est vrai que on s'intéresse plus maintenant à l'image de puissance et de force et d'autonomie des femmes qu'on a qualifiées de sorcières. Pour moi, dans le roman, par exemple, de Dahl, le personnage de la grand-mère est clairement une sorcière dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est une femme qui vit seule, qui s'est affranchie du pouvoir, qui fait un peu son truc dans son coin, qui est regardée un peu comme une vieille folle, mais qui s'en fiche complètement. Mais vous jouez d'ailleurs sur cette ambiguïté dans le texte, enfin dans votre bande dessinée, parce que quand on la lit de près, on voit que la sorcière, la grand-mère du narrateur qui est censée... ne pas être une sorcière et le protéger contre les sorcières, bah, tous les attributs d'une sorcière. Mais surtout, elle s'y connaît quand même pas mal en sorcière. Ouais. Vous pensez que c'est vraiment une sorcière? Non, je pense que c'est une sorcière moderne. C'est-à-dire que c'est effectivement une femme qui... Au sens sympathique du terme. Ouais, finalement. Et puis surtout au sens très puissant du terme. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus forte finalement que les sorcières qui vont croiser dans l'hôtel. Elle en vire un bout avec son petit-fils. Bon, et pas que, mais je vais pas tout raconter. Mais elle est forte, elle est bienveillante, elle est très libre, en fait. Et au début du livre, quand elle explique à son petit-fils comment reconnaître une sorcière, elle lui dit aussi ce que cache ce mot, comme haine des femmes, comme méfiance envers les femmes érudites et indépendantes. Elle lui fait un petit cours d'histoire. Et là, vous avez rajouté quelque chose, vous, au texte. Oui, parce que je pense que c'est compliqué de parler de sorcière à des enfants aujourd'hui sans leur dire aussi un mot sur... les siècles pendant lesquels on a persécuté des femmes sans raison en les traitant de sorcières. Et le petit garçon, justement, voilà, dit à sa grand-mère, mais ce que tu me racontes de la fiche de poste de ce qu'était une sorcière à l'époque, tu remplis toutes les cases. Toi, on t'aurait certainement mis sur un bûcher aussi. Et je trouvais ça intéressant de quand même expliquer ça aussi aux enfants aujourd'hui. Florence Casuli. Oui, Roald Dahl, il s'est défendu en 83 quand il a été accusé de sexisme en disant qu'effectivement, il ancrait son œuvre dans les légendes, dans les mythes, et c'était des créatures, les sorcières, souvent féminines. Donc, du sexe féminin, on va dire. Et du coup, il s'est appuyé sur cette défense-là, et il a aussi dit que, effectivement, ils n'avaient pas continué la lecture, parce que juste après, il dit que les loups-garous et les vampires, dans les mythes, encore une fois, c'est des hommes. Et du coup, cette attaque-là était justifiée en quelque sorte, mais il a su se défendre quand même assez bien. Et il a aussi été attaqué par des sociétés de sorcières, donc les Wiccans. Je sais pas comment on dit, qui lui ont dit, mais alors d'un côté il avait les féministes qui disaient vous dites que toutes les sorcières c'est des femmes, et ensuite il y a toutes les sorcières qui lui ont dit mais en fait vous êtes en train de faire un portrait complètement erroné de la sorcière, nous on est des sorcières et faut pas nous faire passer pour des méchantes comme ça, etc. Donc il y a effectivement d'un côté, vous êtes en train de dire qu'il y a des vraies sorcières qui existent et aux États-Unis, il a D'accord. reçu des lettres de haine en disant faut que vous changiez votre texte, nous on est des sorcières et on n'accepte pas le portrait que vous faites des sorcières, c'est pas comme ça que ça marche. Et du coup là par contre il s'est pas défendu, il savait pas quoi dire parce qu'il savait pas que ça existait. Du coup il a répondu je suis désolé si ça vous blesse mais je vais pas changer mon texte pour vous. Et du coup, il n'a pas changé son texte, il l'a gardé comme tel. Mais ça, est-ce qu'il est conscient de l'imaginaire qu'il véhicule dans ses ouvrages? C'est-à-dire que là, on parle du rôle de la femme, il y a le rôle des enfants, il y a une dimension plus politique. Est-ce que c'est quelque chose qu'il revendique ou est-ce qu'il fait comme si, au fond, la littérature pouvait tout autoriser? Alors, il est, comme je disais au tout début, c'est un homme d'ambiguïté, de beaucoup de paradoxes. Par exemple, avec je ne sais pas si vous êtes au courant de l'affaire Salman Rushdie, qui avait sorti les versets sataniques en 1982, je crois. Et Roald Dahl s'était positionné en disant, mais on ne peut pas tout dire en littérature. Donc en fait, il a reçu une fatwa pour ça. Oui, voilà. Et du coup, Roald Dahl a dit, en fait, il la mérite. Vu ce qu'il a dit dans les versets sataniques, il la mérite. En tant qu'auteur, on doit s'auto-censurer. Ah oui. Et du coup, je me suis dit, mais Roald Dahl qui dit ça? Ça n'a pas de sens parce que lui, on dirait qu'il ne se censure pas, il ose dire tout ce qu'il pense tout haut. Et c'est dans cette optique-là que je dis que c'est un homme complètement paradoxal parce que d'un côté, il va dire qu'il faut s'auto-censurer et d'un autre côté, il ne va pas hésiter à faire l'éloge de choses dont on ne fait pas l'éloge habituellement. C'est-à-dire tout ce qui est, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui est fonction corporelle, etc. Ouais. Mais tout ce qui est politique, etc., dans son œuvre, on ne le ressent pas beaucoup. Il a été aussi accusé de racisme avec le traitement des Oompa Loompa dans Charlie la chocolaterie, parce qu'au début, il les décrivait comme des pygmées africains. Donc là, il y a la NAACP qui, aux États-Unis dans les années 60. Ce sont des petits hommes qui, dans Charlie la chocolaterie, bah, travaillent pour Willy Wonka, voilà. Et ils gagnent rien. Ils gagnent du cacao, quoi. Donc, ouais. Donc il a été vivement critiqué pour ça. Et c'est grâce à cette attaque qu'il a ensuite changé le texte en des petits êtres à la peau orange et aux cheveux verts. Enfin, il est parti un peu dans une autre direction, mais il s'est toujours fait attaquer sur des choses. Alors, quand il était conscient que ça pouvait heurter, il changeait. Donc, c'est ce qu'il a fait en 64, quand il a changé Charlie la chocolaterie. Mais quand il estimait qu'il n'avait pas changé, donc par exemple avec les sorcières, il ne le faisait pas. Il faisait vraiment... ça dépendait vraiment de son ressenti à lui. C'est intéressant parce que si on parle de Charlie à la chocolaterie, il y a beaucoup de points communs d'ailleurs entre ce texte et les 10 petits nègres qui s'appellent dorénavant Ils étaient 10. Finalement, l'invitation par quelqu'un qu'on ne connaît pas à venir dans un endroit que l'on ne connaît pas ou dans un lieu inconnu et avant de se faire finalement tous décimer les uns après les autres, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les deux livres. Charlie à la chocolaterie est beaucoup plus effrayant que l'image de couverture ne veut nous le faire croire. On va écouter un extrait du film de Tim Burton, qui date de 2005. Écoutez Willy Wonka, on se demande si finalement c'est pas lui le manipulateur, à l'image peut-être de Roald Dahl. Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans une maison avec toute sa famille. Il adore le chocolat et à un moment, il y a dans les tablettes, il y a un ticket d'or dedans. C'est pour aller visiter la chocolaterie. Hey, by the way, did you guys know that chocolate contains a property that triggers the release of endorphins, gives one the feeling of being in love? You don't say. All aboard! Bois, ça te fera le plus grand bien. Tu as l'air mort de faim. C'est délicieux. C'est parce qu'il est mélangé par une cascade. La cascade est des plus importantes. Elle mélange le chocolat, elle le fouette, le rend léger et mousse. Soit dit en passant, aucune autre chocolaterie au monde... Vous l'avez déjà dit, ça. Vous êtes tout petit, je trouve. C'est normal, on est des enfants. Non, mais ce n'est pas une excuse. J'ai jamais été aussi petit que vous. Vous l'avez été un jour. C'est pas vrai. Tu sais pourquoi? Je me revois très distinctement mettre un chapeau sur ma tête. Regardez-moi vos tout petits bras. Vous n'y arriverez jamais. Vous vous souvenez comment c'était d'être un enfant? Oh, si, je m'en souviens. Pas sûr. Monsieur Wonka. Monsieur Wonka. En avant toutes! Et c'est peut-être là un des secrets de Roald Dahl qui fait qu'il parle tant aux enfants et aux adultes que nous sommes devenus, c'est qu'il... Dans chacun de ces textes, il formule différemment la question qui consiste à savoir ce que c'est qu'être enfant, au fond. Et donc l'enfant qui lit se pose la question, parce que jusque-là, peut-être qu'il ne se posait pas cette question-là. Alors avec, bien sûr, à cette nuance près que dans Charlie et la chocolaterie, le personnage de Willy Wonka est très ambigu. On ne sait pas s'il veut du bien aux enfants, il punit ceux qui sont désobéissants, et au fond, on se sent un peu manipulé, peut-être comme un narrateur qui écrit un texte manipule son lecteur, Florence Cazuli. Oui, c'est d'ailleurs une thèse que je défends dans ma thèse, c'est que par les voies narratives, on va prendre parti de Willy Wonka, alors que c'est quelqu'un d'effectivement très ambigu, de très excentrique, de très malsain, on peut le dire, hein, quand les parents s'inquiètent des enfants, c'est bon, ça va bien se passer, il va juste être transformé en chocolat. Enfin, il y a quand même une ambiguïté sous-jacente là-dedans. Et nous, en tant que lecteurs, parce qu'on se pose... On se positionne en tant qu'enfant, parce qu'on a le point de vue des enfants, et le narrateur fait tout aussi pour nous guider dans cette direction. Hein. Il va nous tutoyer, il va nous inclure avec lui. Ça reste directement à nous. Voilà, il va dire nous, tu, etc. Donc, consciemment ou inconsciemment, on va forcément s'allier avec ce narrateur-là. Et il y a effectivement une facette de Roald Dahl qu'on retrouve dans Willy Wonka, donc par ses voies narratives, parce que Roald Dahl manipule son lecteur comme Willy Wonka manipule les enfants qui viennent, et aussi parce qu'il y a plein de points communs. Willy Wonka, c'est un créateur, Roald Dahl était un créateur, Roald Dahl était fasciné par le chocolat. D'ailleurs, ça, c'est quand il était enfant, il était dans des écoles un peu violentes, il se faisait battre, mais le seul moment où il était un peu un peu heureux et libre, c'est quand il recevait, parce qu'il était juste à côté de Cadbury, qui est une usine de chocolat, et tous les mois, il recevait des cartons remplis de chocolat pour faire tester aux enfants, et il devait cocher des cases, est-ce que c'est bon, oui, noter de 1 à 10, ce que vous trouvez. Et Roald Dahl se souvient de cette période, c'est vraiment la période de sa vie qu'il a adorée, et du coup, c'est pour ça qu'il a voulu écrire Willy Wonka et Charlie la chocolaterie, et on le retrouve dans Willy Wonka, donc par cette manipulation, mais aussi par cette fascination qu'il a avec le chocolat. Pénélope Bagieux, est-ce que tous les narrateurs sont des manipulateurs? Dans le cas de Willy Wonka, c'est vrai qu'il est quand même assez limite, moi je trouve immoral, parce que quand même il voit ce pauvre Charlie qui est dans une précarité épouvantable, où il vit avec tous ses grands-parents dans un même lit, et ce qu'il lui propose de mieux, c'est de passer des épreuves pour avoir quelque chose à la fin, alors qu'il a une fortune incroyable, il pourrait tout simplement aider Charlie et sa famille dès le début. Mais il faut qu'il le mérite. Il faut qu'il le mérite, et puis cette espèce de haine des enfants, parce que moi je me souviens que lisant ça quand j'étais enfant, évidemment que j'avais envie de mépriser tous les enfants candidats qui sont tous horribles, mais ils étaient horribles pour des raisons qui faisaient que j'étais moi-même une enfant horrible, si on va par là. C'est-à-dire, en gros, il y a celle qui mange du chewing-gum, celui qui regarde la télé et celui qui mange trop. Ça induit quand même une espèce de détestation de soi quand on est un enfant et qu'on vit ça. D'autant qu'ils se font punir pour ça. Hein. Auguste Gloop, il manque de se noyer, il va se faire découper en morceaux. Véruque Salt, elle passe à deux doigts de mourir brûlée. Et Violette Beauregard, de se faire essorer jusqu'à la mort. Quant à Mike TV, il va être miniaturisé. Ça, c'est quand même lourd comme sanction pour être simplement un enfant qui fait des trucs d'enfant. Donc, c'est vrai qu'on peut... On a une espèce de sentiment bizarre d'avoir envie d'être du côté de Willy Wonka alors que c'est l'adulte, parce que les enfants sont quand même assez méprisables. Et je trouve qu'on retrouve dans ce kaléidoscope des enfants tout ce qui énerve Dahl chez les enfants. On a la galerie de portraits de tout ce qui l'horripile. Et c'est quand même des traits de caractère assez supportables, quoi. Bon, regarder la télé, manger du chewing-gum, c'est... pas mort d'homme, quoi. Et du coup aussi, ce qui est important, c'est que Roald Dahl le fait, mais on comprend aussi que c'est à cause des parents. Les parents jouent un rôle important dans Charlie la chocolaterie. C'est eux qui ont inculqué les enfants ces valeurs-là, et c'est à cause d'eux qu'ils sont devenus comme ça, les enfants. Et je voulais dire quelque chose, j'ai complètement oublié. Je voulais rebondir sur ce que Pénélope vient de dire. Non, mais je sais pas. Mais ça vous reviendra, c'est pas grave, parce que sur ce positionnement par rapport à la, en fait, c'est un positionnement par rapport à la société de consommation, ce que fait Roald Dahl dans ces textes-là. Et donc, il y a une ambiguïté, c'est que d'un côté, il veut être du côté des enfants avec ce que ça peut avoir, non pas d'immoral, mais d'amoral. De l'autre, il se positionne clairement. Reflétant par là un sacré sens de la responsabilité. Et c'est là où je voudrais revenir, je vous posais la question de la manipulation du narrateur. Quand on écrit pour la jeunesse, on a une responsabilité énorme, parce qu'on sait très bien qu'on va façonner ces petits esprits qui ne demandent que ça. Mm-hmm. C'est une grosse pression, Pénélope Bagieux. Au-delà de la responsabilité, quel pouvoir de pouvoir en profiter pour glisser l'air de rien plein de choses. Ouais. Là, ça vous renvoie à votre propre sadisme dans ce cas. Ah non, pas forcément le sadisme, mais de se dire j'en profite pour poser quelques pierres pour la suite de grille de lecture des enfants. Mais du coup, c'est vrai que c'est une responsabilité immense où, par exemple, dans une bande dessinée, à chaque case, on questionne toutes les habitudes par défaut d'écriture qu'on a en se disant attention, là, on parle à des enfants. Donc fais attention à tout ce que tu dis, parce qu'on se souvient, moi, c'était le cas, je me rappelle même dans le dessin de se dire c'est l'âge où l'enfant peut potentiellement passer 6 heures à regarder une page et la connaître par cœur et regarder chaque détail. Fais attention à chaque détail que tu mets, tu vas certainement, ça sera des adultes plus tard qui diront j'ai passé un temps fou, je connais cette case par cœur, et donc faire attention à tout ce qu'on met dedans, là où on s'en fiche un peu quand on écrit pour les adultes, mais je sais pas, sur des questions de représentation de genre par exemple, je me suis vraiment cassé la tête avec Sacrée Sorcière à faire attention à ce qu'il n'y ait rien qui dépasse et à me dire, réfléchis vraiment à de quelle manière tu veux participer à la construction de ce petit cerveau de manière inconsciente, et ne raconte pas n'importe quoi. Mais alors, quelle différence, justement, quand vous faites la bande dessinée adaptée de Sacrée Sorcière et quand vous illustrez la Comtesse de Ségur? On n'a pas de responsabilité quand on est illustrateur. Ah oui? Ouais. Bah oui, on touche pas au texte, donc on fait bien ce qu'on veut. Et c'était 100% un plaisir de dessin, de dessiner cette pauvre Sophie. Vous pensez qu'il n'y a pas de responsabilité pour le dessinateur? En l'occurrence, dans le cas de la Comtesse de Ségur, le texte est déjà tellement gratiné. Les enfants se prennent déjà tellement de trucs dans la tronche que... C'est plus violent pour vous, la Comtesse de Ségur, que Roald Dahl? Vraiment, je pense que pour le coup, la maman de Sophie, Madame de Réan, elle a vraiment quelque chose à régler, quoi. Il y a un problème... elle fait quand même, pour pour servir de leçon à sa fille. Elle va quand même la laisser sous la pluie glacée, attraper la crève, la forcer à porter un collier avec des morceaux de guêpe. Enfin, elle est vraiment, elle a un problème dans sa vie avec sa fille, quoi. Il y a quelque chose. Bon, c'est une autre époque, mais enfin, quand même, il y a un vrai sadisme. Il y a peu de bienveillance. Si, il y a des moments où elle rit avec sa sœur des bêtises de sa fille, ouais. Mais elles en rient entre elles. Et puis, mais elle a jamais de moment sympa avec sa fille. Mais on en parlait lundi dernier, justement, et c'est intéressant de voir que ces textes-là qui nous ont tant marqués enfants, qui continuent de marquer les enfants, ça reste des textes qui ont pour matière une grande violence. Comme oui. Si finalement c'était ça aussi un des secrets de la littérature jeunesse. C'est troublant de se le dire comme ça. Sachant que Sophie a 4 ans. C'est ce ouais. Que j'ai découvert en le relisant. La pauvre Sophie, qui a vraiment une vie quand même assez dure. Elle a 4 ans, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment de la cruauté. Alors, je vous interrogeais sur la responsabilité du dessinateur, Pénélope Bagieux, celui qui est associé à Roald Dahl, il s'appelle Quentin Blake, le voici. Racontez-nous comment vous avez imaginé l'énorme crocodile de Roald Dahl. Il dit dans l'histoire que l'énorme crocodile avait des centaines de dents, je crois. Et si vous connaissez quelque chose des vrais crocodiles, ils ne sont pas comme ça. Et ça me donne l'idée que c'était pas un vrai crocodile, c'est une sorte de crocodile qu'on voit dans... un grand guignol, quelque chose comme ça. Alors j'ai dessiné toute une longue série de dents. Et ils ne sont pas les dents pour manger les poissons et des choses comme ça. C'est comme un piège en quelque sorte. Okay. Ouais, c'est pour manger les enfants, pour attraper les enfants. Et voilà Quentin Blake lui-même, c'est un extrait de la télé de la création du 23 octobre 2012, dit que le but est de piéger et d'attraper les enfants. On en revient à au même problème, parce que finalement Quentin Blake, ses dessins sont d'une efficacité incroyable et plébiscités autant si ce n'est plus que les livres de Roald Dahl. Et pourtant lui-même le dit bien, le but c'est de piéger les enfants. On peut pas sortir de ce rapport-là entre dessinateur, narrateur et lecteur, Pénélope Bagieux ? De piéger les enfants. Ouais. C'est vrai que dans le dessin de Blake, en plus, je trouve que c'est le dessinateur qui réussit le plus ce tour de force, un peu comme Sempé, mais encore plus, d'avoir les enfants les plus mignons du monde. C'est que les petits-enfants chez Blake sont adorables, et les méchants et les monstres sont épouvantables. C'est vraiment cet éventail incroyable de dessins. Et il appâte avec des enfants très mignons. Et effectivement, après, une fois qu'il tient les enfants, il a des... comment elle s'appelle ? Mademoiselle Le Gourdin dans oui. Mathilda. Elle est faite à 90% du dessin de Quentin Blake. Enfin, c'est sûr que la mignonnerie de Mathilda et l'aurore de cette école. Mais bon, ils coécrivaient de toute façon ensemble avec Dahl. Et puis, il a 50% de responsabilité dans l'empreinte que les livres de Roald Dahl laissent aux enfants. C'est les dessins de Blake presque autant que le texte. Quoi. Florence Cazuli, vous qui avez travaillé sur l'iconotextualité, j'imagine que vous avez travaillé sur cette question-là. Quentin Blake disait d'ailleurs que Roald Dahl était beaucoup plus méchant que lui dans les textes. Et ça se ressent. Et en fait, je pense que l'expérience de caricaturiste que Blake a eu quand il était plus jeune l'a forcément aidé et guidé quand il a illustré Roald Dahl, parce que Roald Dahl était lui-même un caricaturiste avec tout ce qu'on disait de grotesque tout à l'heure. Et du coup, Roald Dahl, lui, littérairement parlant, il s'inscrivait dans la lignée de Dickens en faisant des caricatures des personnages monstrueux. Et quant à lui, Blake rend cette caricature en s'inspirant aussi de grands noms de la caricature anglaise comme Cruikshank, qui avait illustré les contes pour enfants en faisant des caricatures abominables aussi. Et je trouve qu'il rend très bien ce trait-là de Roald Dahl, et qu'en plus, ces illustrations qui sont toujours très colorées, avec le trait très délicat, très fin, ça vient un peu atténuer du coup tout ce dont on parlait tout à l'heure, tout ce qui est violence, etc. Et je pense aussi que c'est ce qui fait que le duo est inséparable et iconique maintenant, c'est que Quentin Blake a réussi à rendre tout ce que Roald Dahl voulait, et il a pas voulu s'en séparer du coup Roald Dahl jusqu'à la fin de sa vie en 90. Et Quentin Blake s'est aventuré en 95 à rééditer Charlie et James, qui étaient des livres qui avaient été illustrés auparavant par d'autres illustrateurs. C'est ça. Et il s'est dit, Roald Dahl, je pense qu'il aurait été d'accord, donc je me lance. Et il a fait les illustrations pour James et Charlie 5 ans après la mort de Roald Dahl, tout seul, en se disant, je le connais assez bien, c'était devenu mon ami, je sais ce qu'il aurait voulu. Et il s'est mis au travail. Vous parliez de Dickens. Quelles sont les influences littéraires de Roald Dahl ? Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qui est conte. Alors, on n'a pas de... Il s'exprimait pas trop sur ce qu'il avait lu. On sait juste le Jardin secret. Il avait adoré ce livre-là. Il avait tout ce qui est conte, tout ce qui est... je pense qu'il a lu Rabelais, parce que clairement, le carnavalesque... avec le rapport à la nourriture, le corps grotesque, ça évoque forcément Rabelais. Il était aussi beaucoup tout ce qui est conte, mais d'avertissement. Donc, par exemple, Hilaire Belloc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur pour la jeunesse britannique qui écrivait des contes d'avertissement qui disait aux enfants, si vous vous comportez pas bien, donc comme dans Charlie et la chocolaterie, vous allez souffrir. Parce qu'il y a l'idée quand même que la lecture va sauver les enfants. Chez Mathilda, oui, c'est très clair. Mathilda est cette petite fille qui lit, qui passe son temps à lire, d'ailleurs du Dickens aussi, et qui, grâce à la lecture, va pouvoir s'en sortir. C'est pour ça qu'elle a un super pouvoir, d'ailleurs. Roald Dahl, par son super pouvoir, va dire, si vous lisez, vous allez vous aussi développer un super pouvoir. C'est d'ailleurs toute ma thèse, c'est basé là-dessus, c'est que Roald Dahl a toujours revendiqué son projet de vie qui était, je veux faire lire les enfants, et comment il fait lire les enfants? C'est en présentant à la fin ce qui est Mathilda, sa dernière héroïne, parce que c'est le dernier livre qu'il a écrit avant de mourir. Bon, il y a un autre livre qui a été publié posthume après, mais avec Mathilda, il fait bien comprendre aux enfants, la lecture va vous sauver, ça va vous permettre de vous affranchir, de vous émanciper, il faut lire. Eh bien justement, et je pense qu'il faut lire, et on terminera là-dessus, un livre qui s'appelle Roald Dahl and Philosophy. C'est en anglais, ça a été publié sous la direction de Jacob M. Held, qui est un professeur de philosophie aux États-Unis à l'Université d'Arkansas. Et dans ce volume, il propose beaucoup de réflexions philosophiques autour de Roald Dahl. Et notamment, Pénélope Bagieu, on trouve un article qui montre comment Dana Haraway, la philosophe qui a notamment réfléchi sur les cyborgs, peut être utile pour comprendre Sacrée Sorcière. Parce qu'elle montre que, finalement, ce que le texte montre aussi, c'est qu'il est possible pour un être humain de coexister avec des individus d'une autre espèce, à savoir les souris. Et on disait tout à l'heure que s'il y a une philosophie derrière les écrits de Roald Dahl, c'était à la fois l'invitation à la transgression et en même temps le fait d'accepter la propre absurdité de son existence. Sacrée Sorcière, à la fin, finalement, le petit garçon va rester une souris et il l'accepte tout à fait, c'est vrai. Ce qui est amusant, c'est que dans la première adaptation télévisuelle de Sacrée Sorcière, il y a eu une demande des producteurs de changer la fin et que le petit garçon soit retransformé en garçon par une gentille sorcière qui a pitié de lui, parce que c'était insupportable, cette fin où un enfant est une souris. Vrai, ouais. Alors que quand j'étais petite, je trouvais que c'était cool, en fait. C'est-à-dire les arguments du petit garçon qui dit « j'aurais plus jamais de devoirs à faire, j'aurais plus besoin de me laver, j'ai une queue avec laquelle je peux faire des trucs super, ça me va ». Et en lisant ça, je me disais « oui, c'est vrai, c'est cool, je vois pas le problème ». C'est vraiment un problème d'adulte de se dire « pauvre enfant, quel drame ». Et Dahl, ça le choquait pas, et je trouve ça assez chouette comme acceptation. Vous le connaissez, ce livre, Florence Casuli, Roald Dahl and Philosophy? Oui, il fait partie de ma bibliographie, parce que Roald Dahl, malgré son succès, est très, il est pas du tout étudié, surtout au niveau académique. Donc, je crois que je suis la seule en France à faire une thèse sur lui. Donc, sa bibliographie, du coup, est très limitée. Il y a celui-ci, et il y a un autre ouvrage qui s'appelle Roald Dahl, tout simplement, par Anne Alston et Catherine Butler, qui est encore en anglais, parce qu'en France... C'est ça, il y a peu de travaux en France sur Roald Dahl. Oui, non, il n'y a rien en France. Il y a une universitaire qui a écrit pas mal d'articles, qui s'appelle Virginie Douglas, qui est une collègue et qui m'aide beaucoup aussi dans mes recherches. Mais sinon, oui, c'est un auteur, malgré son succès, qui reste assez méprisé académiquement. Bon, j'espère que vous finirez sa thèse et que vous la publierez, comme ça portera un ouvrage français sur le sujet. Et j'invite aussi à la lecture du livre de Roald Dahl, qui est son autobiographie, qui s'appelle Moi, Boy, que j'avais lu un nombre incalculable de fois quand j'étais enfant, et qui renseigne sur le personnage, mais aussi sur le rapport à l'écriture qu'entretient Roald Dahl avec ses propres livres. Merci beaucoup à toutes les deux. Florence Casuli, donc bon courage pour votre thèse. Merci beaucoup. Pénélope Bagieu, merci d'être venue aujourd'hui. Sacrée Sorcière en bande dessinée, c'est sorti cette année. Puis paraît, ce mois-ci, je crois, une nouvelle intégrale des culottés. Oui. Qui est très belle. Et j'en doute pas, on la mettra aussi en lien sur le site des Chemins de la Philosophie. On se quitte avec une chanson des Who, The Kids Are All Right. Les enfants vont bien, rassurez-vous. I don't mind for the guys dancing with my girl. That's fine, I know them all pretty well. But I know sometimes let's get out in the light. Better leave her behind. With the kids are all right. The kids are all right. Sometimes I feel like Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je vous demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Aujourd'hui, vous posez une question. Quelle est la part du don dans le talent artistique? Alors, on sait que les artistes sont modestes. Ils évitent, en général, de parler de leurs dons. Ils mettent en avant leur travail. Et il est très rare qu'un artiste avoue la vérité, qu'il ne fait pas grand-chose et que la part la plus importante de son apprentissage a consisté à rêver à sa gloire future. Et, bien sûr, à lire des biographies d'artistes pour bien reconnaître le parcours. Oui, mais alors est-ce que le défaut de cette approche, c'est pas de faire de leur vie d'artiste leur principal chef-d'œuvre? Bah, c'est tout le problème. Même le grand Picasso datait toutes ses toiles pour, disait-il, qu'on reconstitue à partir de ses indices une anthropologie nouvelle, rien que ça. Et nous sommes bien, après lui, après 2 siècles au moins passés dans le culte du génie, toujours un peu coincé là-dedans, les pas japonais des œuvres successives nous fascinent moins que le parcours. Ce qui pourrait être une forme de sagesse? Oui, préférer le devenir, à l'être le chemin, à la destination. Comme disait Yves Klein, mes œuvres ne sont que les cendres de mon art, l'art comme une sorte de combustion spontanée sous contrôle, de chute libre apprivoisée. L'une des plus célèbres œuvres d'Yves Klein le montre ainsi, tombant dans le vide. Donc le don principal des artistes, selon vous, ce serait de l'ordre de l'engagement existentiel. Bah c'est ça, du don artistique au don de soi, si l'on veut. Mais il m'est venu une autre idée en retrouvant mon carnet à dessin de quand j'étais enfant, et j'ai dû me rendre à l'évidence, je n'avais témoigné enfant d'aucun don pour le dessin. Oui, mais ça c'est pas très grave, vous n'êtes pas devenu artiste plasticien, Aurélien. Sauf que la chose, j'en suis certain, ça serait également produit si ça avait été mon carnet de poésie, et que je suis certain que les meilleurs plasticiens d'aujourd'hui étaient, dans leur grande majorité, des enfants artistes abominables. Tout ça pour dire que je ne crois pas vraiment aux dons qu'on cultive patiemment. Alors il y a une scène géniale dans Huckleberry Finn de Mark Twain, quand le héros est recueilli chez une sorte de gentilhomme et qu'il pénètre dans la chambre atelier de la fille de celui-ci, morte prématurément à l'âge de 15 ans, morte dans le plein exercice de ses dons. Et Huckleberry Finn de constater, froidement, devant son chef-d'œuvre inachevé, l'esquisse d'une femme hésitant entre 2 positions, les bras au ciel ou les bras croisés, qu'on dirait juste une énorme araignée. Il brise ainsi le pacte familial et avec lui l'idée de l'art comme lente éclosion d'un don enfantin. Alors j'en suis arrivé à l'idée opposée, que la meilleure promesse artistique était l'absence absolue de dons, que les véritables artistes sont des bons à rien, des vagabonds, des orphelins. La vocation artistique consisterait alors à demander réparation de cette injustice. Le don artistique n'est pas quelque chose qu'on possède, c'est quelque chose qu'on réclame. On réclame, donc l'artiste voudrait qu'on lui fasse don d'une carrière d'artiste. Quelque chose de cet ordre, oui. C'est une question que Kafka a abordée dans sa dernière nouvelle, Joséphine, la cantatrice ou le peuple des souris. À aucun moment, il n'est affirmé que celle-ci est réellement un don. Son sifflement est plutôt décrit comme particulièrement malaisant. Eh oui, c'est horrible, mais Joséphine exige qu'on lui fasse crédit d'un don démesuré, un don dont le secret, celui peut-être qui fait qu'on tolère en dernier lieu la vie vexante des artistes, serait de ne pas exister vraiment. Si le peuple, dans sa sagesse, écrit Kafka, a placé si haut le champ de Joséphine, n'était-ce pas précisément pour ne rien perdre en le perdant? Où l'on retrouve les souris, donc on en a parlé déjà en parlant de Roald Dahl. Vous y croyez au don en art, Pénélope Bagieu? Pas vraiment, non. Non, je pense que c'est vraiment quelque chose que décide l'entourage, de dire « Ah, vraiment, quel don !» Et puis du coup, on dit « Bah, d'accord, alors... » Soyons à la hauteur de l'entourage. Allons-y. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philo. Et un grand, un immense merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, sans qui je ne serais pas grand-chose tous les jours derrière ce micro. Aujourd'hui, c'est Manon de la Salle qui a préparé cette émission en compagnie d'Avril Poignant-Le Goff, Clara De Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger et Esther Valensic ont réalisé pour vous cette émission. La prise de son aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson, à la lecture des textes Georges Kless. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série autour de la place de l'enfant dans la littérature. Demain, nous serons en compagnie d'Éric Fiat et on parlera de La gloire de mon père et du château de ma mère de Marcel Pagnol. On se demandera comment couper le cordon avec ses parents. C'est ce que le petit Marcel vous expliquera donc demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour la télécharger, l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. L'équipe des Chemins est ravie de lire vos commentaires. On se retrouve demain à 10h. En tout cas, nous, on sera là. Et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.